certain nombre de choses pour répondre. Alors, d'abord, de nous dire que nous axons les choses sur la concurrence entre universités et grandes écoles est une contre-vérité flagrante. Et je l'ai répété une nouvelle fois ici, puisque précisément, j'essaie de dire que ça, les grandes écoles, c'est l'arbre qui cache la forêt, et que le problème est effectivement le fait que l'université tend à devenir minoritaire dans l'ensemble de l'enseignement supérieur français, et que la défense des grandes écoles sert d'instrument pour cacher cette réalité. Donc, par rapport notamment à ce qu'a dit Annie Vinocure, je suis globalement en accord avec l'analyse qu'elle fait, mais je pense qu'il faut regarder la voie française particulière par rapport à ces questions-là, c'est-à-dire cette situation où, effectivement, l'enseignement supérieur en France ne s'identifie pas à l'université, et je crois quand même que les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure doivent nous conduire à réfléchir, parce que si on ne prend pas en considération cette voie française par rapport à ces enjeux-là, je pense qu'on se trompera de combat. Alors maintenant, sur le graphique qui est fourni, là, je trouve que, franchement, votre critique est de totale mauvaise foi. C'est dans un chapitre qui est consacré à ce qui a pu motiver le mouvement des enseignants-chercheurs. Et dans les éléments qui ont pu motiver ce mouvement des enseignants-chercheurs, il y a, c'est indiscutable, une baisse des conditions sociales, une baisse des conditions sociales, pas uniquement des conditions de travail, mais aussi des conditions symboliques et matérielles. C'est un graphique dont nous ne sommes pas l'auteur. Je veux dire, je l'ai retrouvé, c'est quelqu'un qui est à Arras, qui montre ça, qui fait un graphique tout à fait suggestif, qui consiste à regarder le niveau de salaire du maître de conférence débutant en équivalent SMIC constant sur la période 1985-2010. Et on est sur une courbe descendante absolument constante. Si on la poursuit, il s'amuse à la poursuivre, à mettre le trend, montre que en 2025, si nous poursuivons cette tendance, le statut de le salaire de maître de conférence débutant sera le SMIC. Je pense que ça, c'est une réalité que l'on ne peut pas ignorer. Mais ça n'a rien à voir avec la concurrence. Si on veut discuter, qu'on discute dans des bons termes. Ça n'a absolument rien à voir avec la concurrence université-grandes écoles. Il s'agit du statut des enseignants-chercheurs. Alors, c'est pris sur le maître de conférence débutant. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens ici qui connaissent le problème. Bon, le calcul a été fait aussi pour les enseignants du secondaire. Il y a une perte de la valeur salariale relative de nos emplois qui est significatif de l'affaiblissement aussi symbolique de notre profession. Bon, c'est ça qui conduit aussi à ce qui a pu être dit en termes de désaffection par rapport à ces activités. Alors, ça, c'est un point extrêmement précis concernant le contexte général expliquant l'explosion de 2009. Bon. Maintenant, sur le fond de la question, qui est la question du rapport entre baccalauréat et enseignement supérieur. De dire que le baccalauréat est le premier examen universitaire, c'est une fiction, nous le savons tous depuis longtemps, c'est une fiction qui est constitutive du modèle français, qui distingue le modèle français de la plupart des modèles internationaux où, effectivement, les universités choisissent de façon individuelle leur public à l'entrée. Cette fiction, on peut comprendre sa signification, effectivement, dans la conception française d'un cadre national des diplômes, mais c'est vrai qu'elle rentre de plus en plus en concurrence avec cette réalité du fonctionnement effectif de l'enseignement supérieur. Que toute chose égale par ailleurs, il serait bon que le niveau moyen des bacheliers soit augmenté. Et que pour ça, le niveau moyen des collégiens soit augmenté, tout le monde sera d'accord. Cela ne changerait rien au problème d'une sélectivité négative. Si l'ensemble des bacheliers était d'un niveau meilleur, cela ne changerait rien au fait que le mécanisme de sélection fait que ce sont, je veux dire, vont à l'université ceux qui n'ont pas trouvé de place ailleurs. C'est ce mécanisme qui conduit l'université à être d'emblée dans une position défavorable que nous mettons en évidence indépendamment de la question du niveau des bacheliers. Ça serait, là, je dirais, faites-moi le crédit d'admettre ce raisonnement. Mais vous allez, c'est pas parce que vous allez élever le niveau que vous modifierez la logique de distribution. Non, non, laissez-moi finir, Arthur. Laissez-moi finir. Ce n'est pas pour ça que ça ne me paraît pas une bonne chose d'améliorer globalement le niveau. Il n'empêche, et je vous donne simplement ici un élément, une anecdote qui est rapportée dans le livre que m'avait raconté André Legrand, qui me raconte quand il était recteur à Rennes, c'était du temps de la gauche au gouvernement, souhaitait pouvoir faire inscrire dans des IUT des bacheliers ayant le baccalauréat conforme au département d'IUT dans lequel il voulait les faire inscrire. Et le cabinet lui en a donné, je veux dire, lui a interdit absolument formellement d'inscrire d'office ses étudiants dans les IUT au nom de la liberté totale du jury qui les avait refusés. Le même recteur avait le droit d'inscrire d'office ses étudiants dans des universités. Donc, c'est cette inégalité de conditions qui fait qu'effectivement, on utilise l'université comme variable d'ajustement, sachant que tous les autres ont effectivement le droit de choisir ou de refuser. On peut accepter cette logique et considérer que telle est la mission de l'université, mais il ne faut pas, à ce moment-là, s'étonner des conséquences. C'est-à-dire d'un jeu de reflux qui augmente de façon récurrente, qui touche des segments de la population, parce que ça fait très longtemps, effectivement, que les enfants de la bourgeoisie intellectuelle échappent à l'université. Et quand moi, j'ai commencé à faire mes études universitaires dans les années 70, allaient dans les écoles de commerce les élèves qui n'étaient pas en mesure de faire des études universitaires. Et maintenant, cette logique-là s'est complètement inversée. Et on voit aujourd'hui la façon dont cela s'étend avec, effectivement, ce que j'appelle des marchands de soupe. C'est dans une logique où, à tort ou à raison, tout est considéré comme préférable à l'université par les étudiants et leurs familles. Alors, moi, la seule chose que je dis, c'est comment arriver à sortir de cette mécanique infernale, ce qui n'est aucunement contradictoire avec le désir légitime d'améliorer le niveau de tous les bacheliers.